Salut Doudou, je sors avec les potos comme d'hab. Bisous, bisous, t'inquiète, je vais pas rentrer tard. Je sais, c'est bon.